putain de braquage. Les squales laissent tomber leur tenue de camouflage. Les mecs sont nerveux comme ma mère en ballotage. Tête déprimée comme un otage, carton sauvetage. Mais y'a nada dans le béton, à part ses cages et ses stages. À la con, ses stades en carton. Passe le stade, baisse le destin. Avec le show, la la lapin. Se propage, t'es la rage pour des piges, des pages. Là, le G-A-N-G le plus sauvage, le gang cause des dommages. À nos ennemis rendons des hommages. Un 9-9-9, l'année du carnage. Tarate lui bouche les seufs, puis elle fait partie des otages. On vient pour mettre le hip-hop à la page. Les trous de balle au chômage. Kibla, tu la bouée de sauvetage. L'éclair avant l'orage, qui fout droit avec rage. Comme un pit au dressage, même les tétras. Sauvage, Thomas les buts. La clique chaud l'a pas à trop bu. Mais tu sais que même en hiver y'a pas de stop. S'il y a un problème à régler négro on stop. Après tout ce que t'as entendu écoute ça. C'est les novices du bisque voilà. XV3 membre de la mafia RCA. Tu connais déjà pas besoin de vaseline ça passe là. Y'a pas de la éclate ça comme un bon speed d'Aya Hussein Hassan Faya. Débarque fout ça. Y'a du soleil et ta nana. On fait la fiesta. Tu sais ce qu'on dit pendant que le chat n'est pas là. Les souris dansent. Mais passe tout de même de bonnes vacances. Sauvage, soleil qui pète le crâne. Y'a le boucan, les bécanes. Sur le bitume, la vie se consomme et se fume comme une dyname. Pendant que certains ont le cul à l'air sur les tropiques. Nous on galère sur Paname. Avec la vue sur le péril, c'est pas le kiff man. C'est le drame quand y'a pas de drame. On est déterminés. On pas terminé. Exterminé. Sur ce terrain miné mani. On déclenche les hostilités. Et tout ce qui s'ensuit. L'été sera sauvage et tout le monde sera bien servi. Je viens toi l'été dernier. Trois mercenaires en vimesure. On a un retour barbare. Le scénar barbare. Les engrenages chauds. Ça s'esquinte. On sexy. Les suites de sueur. Soin. Ça brûle dans le ghetto. Sortez les extincteurs. Rangez la scène. Tueur. Auteur. Des crimes en série. Les proies des inspecteurs. Schweizer. Marginal. Socrate. Les rongeurs. Et pire que le précédent. Cet été va faire fureur. Sauvage. Sauvage! Ah ouais, sauvage, c'est cool! Ah. Allô les rongeurs! C'est frais! Ouais, c'est marginal là! C'est avec Socrate et Schweizer là! Ouais! Eh négro, j'ai besoin de toi, t'es mon seul et dernier espoir! J'ai besoin du studio surtout là! Franchement, j'ai besoin de ton studio après l'émission! Parce que j'ai un bis terrible! T'es pas vénère, mon pote, c'est chaud! Mais espèce d'enfoiré, mais va te faire enculer, mais que t'es con! Je suis sûr qu'il y a ta meuf qui écoute la radio là, mais t'es fou quoi! T'es pas en train de m'appeler sur mon portable là, t'es à l'antenne en direct! Oh putain, qu'ils sont cons! Oh putain, qu'ils sont cons! Oh, laisse tomber les mecs du 18ème!